Chapitre 7. Il faut savoir faire un écrit. Durant tout cet hiver, en dehors de mon école, je ne fis que m'occuper du classement de mes plantes et de mes insectes. Je vis qu'il m'en manquait encore un grand nombre, même de ceux du pays, mais au moins leur place vide était marquée d'avance dans les cartons et dans l'herbier. Il ne s'agissait plus que de les trouver, et je me promettais bien de battre les bois, les bruyères et la vallée au printemps pour compléter ma collection. Je reconnus aussi vers ce temps, avec bonheur, que mes enfants avaient le même goût que moi pour l'étude de la nature. Tous les soirs, ils venaient me regarder à l'ouvrage. Ils m'aidaient même à étendre les feuilles sèches sans les briser, ce qui demande des mains délicates. Je leur donnais aussi toutes les explications à la portée de leur âge, qu'ils écoutaient, ouvrant de grands yeux émerveillés. La petite Juliette, surtout, comprenait vite, mais Paul, lui, retenait mieux. Il avait la mémoire des choses, ce qui vient surtout de la réflexion. Juliette retenait mieux les noms, elle aurait pu tous les réciter à la file. Cela m'a fait penser, depuis, qu'aucune étude ne serait meilleure pour l'enfance que celle des végétaux et de tout ce qui se rencontre au champ, dans les fermes et les jardins. Tout est nouveau pour les enfants, ils en sont plus frappés que nous, et ce qui s'apprend alors se retient toute la vie. Quelle étude aussi pourrait leur être plus utile? Est-ce que toutes les sciences naturelles, la physique, la chimie, la médecine, ne se rattachent pas à celles-là? Et l'esprit lui-même pourrait-il trouver une nourriture plus saine, plus solide, plus profitable? Ce sont les réflexions que je me fis alors, et je ne crois pas m'être trompée. Ma femme, elle, pendant ce temps, ne pensait plus qu'à la vache que nous devions acheter. Elle avait mis de l'ordre dans notre petite étable. Elle avait tout disposé pour que le fourrage tombât directement du haut de notre grenier dans le râtelier. Enfin, tout était prêt. Il ne manquait plus que la bête. Et Dieu sait le mouvement que Marie-Anne se donnait pour en trouver une à sa convenance. Tous les mercredis matins, au passage du juif Elias, elle l'attendait, regardant à la petite fenêtre de sa cuisine, et puis elle traversait bien vite la salle à manger en disant « Le voilà, c'est lui, Elias est au bout de la rue ». Le vieux juif, avec sa blouse crasseuse, son bonnet en peau de mouton râpé, la corde autour des reins et le bâton de cornier pendu au poing par un bout de cuir, était reçu comme un ambassadeur. Marie-Anne courait chercher la bouteille d'eau-de-vie et la miche de pain dans l'armoire, pendant qu'Elias, ses petits yeux rouges plissés, s'asseyait en disant d'un air joyeux « Cette fois-ci, Madame Florence, j'ai trouvé votre affaire ». Malheureusement, Marie-Anne voulait tant de qualité pour sa vache que souvent, en remontant de ma classe du matin, je les trouvais encore en conférence. Enfin, ce vieux finot, qui depuis longtemps sans doute aurait pu nous amener une bonne vache, mais qui, voyant l'enthousiasme de ma femme, trouvait agréable de se faire payer la goutte et de casser une croûte gratis tous les mercredis chez nous, Elias vint un matin avec une grande et belle vache, couleur café au lait, deux taches blanches sur le front, le pis ni trop grand ni trop petit, enfin une bête superbe. Marie-Anne l'avait vue de loin, elle était déjà en bas. J'entendais ses exclamations de satisfaction dans l'allée, chose contraire à sa finesse ordinaire, et qu'Elias allait vouloir me faire payer argent comptant. Mais que voulez-vous? L'idée d'avoir cette belle bête dans notre écurie, de la conduire boire à la fontaine, à travers le village, lui faisait perdre toute prudence. Puis elle m'appela. « Florence, Florence, viens voir !» Je descendis avec Paul et Juliette, et je regardais sur la porte cette belle vache que le vieux juif tenait par une corde passée dans les cornes. J'en fis le tour, je reconnus, malgré les paroles et les exclamations de ma femme, qui voulait absolument m'entraîner dans ses idées, je reconnus que cette vache avait au moins 10 ans et qu'elle n'était pas fraîche à lait, comme le disait Elias, mais que, sous les autres rapports, elle était bien conformée et fort en chair, ce qui ne manque jamais lorsque le fourrage, au lieu de faire du lait, fait de la graisse. C'est un bien mauvais signe. Et comme je ne m'enthousiasmais pas du tout, Marie-Anne se fâcha presque. « Allons !» s'écria-t-elle. « Dis donc ce que tu penses! Est-ce qu'elle ne te plaît pas, notre vache ?»« Je pense, lui dis-je, que pour un peintre qui voudrait peindre une belle vache dans les prés, avec une belle tête, de belles cuisses, un pis pas trop gros et un air majestueux, cette vache lui conviendrait bien, parce qu'elle est belle à la vue. Mais pour un fermier, elle ne serait pas belle. « Comment pas belle ? » s'écria ma femme. « Non, pour ceux qui veulent avoir du lait, de la crème, du beurre, du fromage, il faut une vache autrement faite. Il leur en faut une avec un gros ventre tout rond, de gros pis pendants, une grosse tête. Il faut qu'on voie les côtes. Il faut que le pied, au lieu d'être ferme et luisant, soit fourchu et presque mou, comme si elle marchait dans des pantoufles. Ce n'est pas aussi beau qu'une vache qui se promène sur de longues jambes, en allongeant le cou à droite et à gauche, et tournant la tête pour se gratter le dos avec de belles cornes pointues. Non, ce n'est pas aussi beau, mais cela vaut mieux. « Mon Dieu !» dit ma femme. « Tu parles comme si tu connaissais quelque chose aux bêtes. Cette vache est très belle et bonne. Ne l'écoutez pas, Elias. Mon mari ne connaît rien aux animaux. Il est toujours dans son école. » « Je vois bien, dit le vieux juif, souriant et nasillant dans sa barbe grise, que M. Florence n'est pas un connaisseur en vaches. Il a lu tout cela dans ses livres. « Oui, lui dis-je, c'est vrai. « Eh ! » fit-il en secouant la tête et regardant ma femme, qui s'était mise à rire. « J'en étais sûr. Cette vache-ci, voyez-vous, M. Florence, j'en réponds. Elle est fraîche à lait, elle n'a pas encore 5 ans. » Elle donne 7 litres de lait par jour. Encore, elle n'était pas jusqu'à présent dans une écurie comme la vôtre, bien propre, bien aérée. Elle n'avait pas le fourrage qu'elle aurait voulu. Elle n'était pas soignée comme elle le sera chez vous. « Non, non, soyez-en sûre, » dit Marianne. « Jamais elle n'aura été si bien. »« Je le sais, madame, » dit Elias. « Et voilà pourquoi je pense qu'au lieu de 7 litres, elle en donnera 8. C'est moi qui vous le dis. » Depuis 3 ans que je connais cette belle bête, je puis vous la donner de confiance, je vous en réponds. « Tu entends ?» dit Marianne. « Oui, j'entends bien, » lui répondis-je, « et cela me fait plaisir, du moment que Monsieur Elias en répond. « Sur ma conscience, » dit Elias en mettant la main sur son cœur. « Eh bien, du moment qu'il en répond, nous allons faire un petit acte sous sein privé. » Ma femme devint toute rouge, comme si je faisais une injure au vieux juif de douter le moins du monde de sa parole. Et Elias s'écria, « Voilà plus de 50 ans que je vends du bétail au pays, et jamais on ne m'a demandé d'écrit. Eh bien, lui dis-je, il faut un commencement à tout. « Ah !» s'écria ma femme d'un air embarrassé, « Vous savez, Elias, mon mari est secrétaire de la mairie, il aime à tout écrire. » « Oui, madame, mais cela ne se fait jamais, c'est contre la règle. »« La règle, lui dis-je, c'est que tout homme de bon sens aime voir ses affaires au clair. Je veux bien croire que la vache est ce que vous dites, mais puisque vous en êtes sûr, puisque vous en répondez, pourquoi refuser d'écrire ? Moi, je vous compte bien mon argent. Vous savez que c'est de l'argent, qu'il a toutes les qualités voulues. Eh bien, mettons par écrit toutes les qualités de la vache. » Il me semble que c'est juste, que cela ne peut rien vous faire. » Il n'avait rien à répondre et dit « Allons, soit, mais cela ne se fait jamais. » Il attacha la vache à l'anneau de la porte et nous montâmes tous ensemble dans mon cabinet, où j'écrivis en détail toutes les qualités de la vache, son âge, en quel temps elle avait mis bas, la quantité de lait qu'elle donnait par jour, enfin tout. Après quoi, Elias signa, ne pouvant faire autrement. Je lui comptai 150 francs et 5 francs pour ses courses. Il m'en donna quittance et je lui dis alors « Vous voyez bien, cela n'a pas coûté 10 minutes et maintenant tout est en règle. »« Oui, » dit-il, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, « tout est en règle. C'était inutile, mais pour vous tranquilliser, quand on est de bonne foi, vous comprenez ?»« Je comprends et je suis tranquille à cette heure. Chacun suit ses habitudes. » Ma femme, toute joyeuse, était allée prendre dans l'armoire une bouteille de kirsch. Elle en avait rempli 2 petits verres. Elias vida le sien d'un trait, puis, prenant son bâton dans un coin, « Allons, au revoir » fit-il. Nous descendîmes sur ses talons, ma femme, les enfants et moi. On conduisit la vache à l'écurie. Le râtelier était plein de fourrage. Et comme la vache ne voulait pas manger tout de suite, le juif dit qu'elle était fatiguée de la course. mais qu'elle allait s'y mettre et que nous aurions le soir même nos 3,5 litres de lait. Je fis semblant de le croire et il partit. Marianne était si contente qu'elle ne songea plus à me reprocher d'avoir douté d'un aussi brave homme qu'Elias. C'était l'heure d'entrer à l'école. Paul et Juliette m'y suivirent. Ce même soir, la vache nous donna 4 litres de lait. Cela ne m'étonna pas, pensant bien qu'avant de l'amener, Elias l'avait laissé 2 ou 3 jours sans la traire, comme font tous les Juifs pour lui donner un beau pis. Ma femme triomphait. Je lui dis d'attendre et nous allâmes dormir. Le lendemain, la vache avait mangé très raisonnablement. Elle nous donna 2 litres de lait le matin et 2 litres le soir. Et durant 8 jours, cela continua de même, malgré tous les soins de Marianne, qui ne disait plus un mot. Moi, le 8e jour, je taillai ma plume et j'écrivis à Elias qu'il eût à venir reprendre sa vache et nous en amener une autre, qui donna pour le moins 7 litres de lait, attendu que celle-là, malgré tout, n'en donnait que 4. Je l'avertis que cela pressait et que nous l'attendions sans faute pour le lendemain. Le lendemain, il arriva sans vache. Il regarda, il soutint tout ce qu'il avait avancé d'abord et prétendit que le fourrage n'était pas bon. Ma femme m'avait laissé seule avec lui. Je lui dis que le fourrage était excellent, qu'on n'en trouvait pas de meilleur au pays, mais que sa vache était vieille, qu'elle avait fait veau depuis longtemps et qu'elle était épuisée, toute chose qu'il savait aussi bien que moi. « Eh bien, dit-il, ce soir ou demain, je vous en amènerai une autre. Allons, soit, nous verrons. » En effet, le lendemain, il arrivait avec une seconde vache, encore plus vieille que la première, qui mangeait plus et donnait encore moins de lait. Marianne était consternée. Et moi, l'indignation me gagnait. C'est pourquoi j'écrivis à Elias que s'il continuait à me prendre pour un âne et s'il ne m'amenait pas une vache jeune, fraîche à lait, ayant toutes les qualités mises par écrit dans notre contrat, je serais forcée de lui envoyer une assignation à comparaître devant le juge de paix pour lui demander l'exécution de ses promesses avec les dommages-intérêts proportionnés à la perte que nous avait causé le retard. Je ne lui donnais que 2 jours pour s'exécuter, ne voulant pas voir avaler tout notre foin par de vieilles bêtes hors de service. La lettre partit le soir par le facteur, et le lendemain, à 10 heures du matin, Elias était là, nous amenant une petite vache de la montagne, la tête grosse, les cornes longues, écartées, les yeux vifs, le ventre en forme de tonneau, le pis fort, les jambes courtes, un peu cagneuses. Du premier coup d'œil, je vis que nous avions une bonne bête, et je dis en souriant « À la bonne heure, monsieur Elias, à la bonne heure. Je crois que cette fois vous avez eu la main heureuse. Revenez dans 15 jours, et si, je n'aurai pas besoin de revenir, » fit-il. « C'est une des meilleures vaches de la montagne. Vous n'en voudrez jamais d'autres. Mais c'est égal, monsieur Florence. Vous avez eu tort de m'écrire comme cela. Tout le monde peut se tromper ou être trompé. » Moi, je croyais toujours vous amener une bonne vache. Je n'ai pas eu de chance, voilà tout. Cette fois, lui répondis-je, vous en avez eu, j'en suis sûr. Avec de la persévérance, on arrive tôt ou tard. Il partit là-dessus. Notre petite vache se mit tout de suite à manger de bon appétit et le soir, nous avions 3,5 litres de lait crémeux. Le lendemain matin, autant, et depuis, cela n'a jamais manqué durant des années. Quelques jours après, voulant montrer à mes élèves combien il est utile de savoir rédiger soi-même un acte sous sein privé, je leur racontais cette histoire, afin de leur faire, pour ainsi dire, toucher la chose du doigt. « Voyez, leur dis-je, ce qui serait arrivé si je n'avais pas eu mon papier en poche. Le vieux juif aurait trouvé très agréable de garder mon argent et de me laisser sa mauvaise vache, et je n'aurais pu le forcer à tenir sa parole, j'aurais été volée. » Apprenez donc à rédiger vous-même ces petits écrits qui font la sécurité des honnêtes gens, car il y a beaucoup de schmoulés dans ce monde, parmi les chrétiens comme parmi les juifs. »